You are all in civilization camps. Les coulures s'alignent sinus souvent entre ces seins qu'érige ce certain soleil au croire de la pénombre en compte de fraîcheur, voleur de soupirs à cœur chercheur. Contraste gouvernemental à la grâce de l'ogre de Père, emparé en sous géminatrice de genèse exposée, se jouit un son récurrent avec des gémissements décidés de maîtrise. Symphonie bestiale. Baiser avec la terre, ça m'excite trop. Permission de permutation accordée sur l'angle des samples virtuels à l'orbite des JT Vespéral qui chercha à l'unir derrière les tétons de crêle. Perler la liesse, parler la laisse. Ne surtout pas en tout cas faciliter l'intelligence des choses, cette stridence de la chair ou espérer les terres des infections mercuriales d'une malédiction certifiée en tradition masochiste. Par phobie du bien ainsi nommé en vue de l'oblation terminale. La pureté des vierges tueuses. Ça se sent sans le sens. Seul le sang est sacré. Je t'égorgerai bien pour le prouver. Mais il est impossible de mettre préservatif sur les lampadaires, du coup les électrons éjaculent par milliards et par milliards sur les trottoirs abattoirs, œuvrant ainsi à la survie de l'erreur du remplissage total programmé, sans le savoir. Pour la fin, et depuis le moindre début. Je supplie que tu le chantes pour elle, Maestria, Anima Sola, et les flammes. Les flammes lèchent de plus en plus fort le corps qui se renvole de plus en plus par émission des baguettes du bus lui signant dans toute crémotion. Hurlez le culte du carnage! Cependant, les flammes n'en font que leur tête, les flammes le fan passent sans où, les flammes fixent fièrement la fin en se pourlâchant les babines par-delà le grand gouffre derrière la forteresse des temps, là où se cache la langue instigatrice. Complexion est aussi son nom, toujours aussi con, là se cascade la vérité, avec ses mousses en tampax, cette putain de vérité diffuse, un soma invariablement assimilé au coma! Saigne les oreilles afin de les transformer en anus ou en vagin toujours vierge. Oh, et à de l'air. Un prout, quoi. Question de fréquence. À quoi bon valoriser celle-ci? La lumière de l'épiderme éclabousse le désir, la vocation de saveur, qui n'est autre qu'un mensonge édifiant qui déchève tout avant même chaque seconde. Croire, corroborer un corps d'or, l'étreinte d'une main géante, sécurité intense. Le rictus opère ses missions de position par le geste, pas de cerveau coche par le reste. Car la lune des mondes est déjà mis en transe, il n'est déjà plus lui. Peut-être encore elle qui sait ce qui se trouve entre eux. Vous êtes tous en camp de civilisation. On fait déjà tout de vous. Tiens, oh, voilà ce que je cherchais. Quête du on, question, mon con. C'est les règles rouillées de la grand-mère qui entourent le monde, vous incitant à une quotidienne libation d'hémoglobine. Bien trop alléchant, une cicatrice de fontaine de fric. On s'en branle, bien sûr. Vous et vos blessures, cissures, serrures en fait. Défoncé devient l'ultime nécessité au-dessus des canapés prédicateurs et de vos djihads journaliers. Allez, je vous en prie, creusez donc notre terroriste, s'il vous plaît. Cela vous fera plaisir, je le sais, car vous êtes tous en camp de civilisation. Vous êtes tous en camp de civilisation. Toi,